Chapitre 3e. Le docteur Ortebiz, cet intime de l'agence, qui appelait ainsi familièrement M. Mascaro par son prénom Baptistin, a bel et bien 56 ans sonné. Il n'en avoue que 49 et n'a pas tort. C'est à peine si on les lui donnerait, tant il porte lestement son embonpoint de chanoine, tant ses grosses lèvres sensuelles sont fraîches encore, tant il a les cheveux noirs, l'œil vif et sain. Homme du monde et du meilleur monde, souple, élégant, spirituel, voilant sous une ironie du meilleur goût un monstrueux cynisme, il est très entouré, très recherché, très fêté. Cela tient à ce qu'il n'a pas de défaut, mais seulement quelques bons gros vices qu'il étale avec un sans-gêne absolu. Ces dehors d'épicurien cachent, assure-t-on, un médecin distingué, un savant. Ce qui est sûr, c'est que n'étant pas ce qui s'appelle un travailleur, il exerce le moins qu'il peut. Même, il y a quelques années, voulant à ce qu'il a prétendu dégoûter de lui sa clientèle qui devenait importante, un beau matin, il s'improvisa homéopathe et fonda un journal médical, le Globule, qui eut 5 numéros. Cette conversion pouvait prêter à rire. Il en a ri le premier, prouvant ainsi la sincérité de la philosophie qu'il professe. De sa vie, le docteur Ortebiz n'a rien pu ou voulu prendre au sérieux. En ce moment même, M. Mascaro, qui cependant le connaît bien, semble déconcerté et blessé de son ton léger. « Si je t'écris de venir ce matin, » dit-il d'un ton mécontent, « si je t'ai prié de te cacher dans ma chambre, où j'ai failli geler, c'est que je tenais à avoir ton avis. Nous engageons une grosse partie, Ortebiz, une partie terriblement périlleuse, où tu es de moitié dans le jeu. Bois. Jean, toi, tu le sais bien, une confiance aveugle. Ce que tu feras sera bien fait. » Tu n'es pas homme à te risquer sans atout, c'est vrai, mais je puis perdre, et alors ? Le docteur interrompit son ami en agitant gaiement un gros médaillon d'or suspendu à la chaîne de sa montre. Ce geste sembla particulièrement désagréable au placeur. « Quand tu me montreras ta breloque, » fit-il, « voici 25 ans que nous la connaissons. Que veux-tu dire ? Qu'il y a dedans de quoi t'empoisonner en cas de malheur ? C'est une louable prévoyance. Mais mieux vaut tâcher de la rendre inutile en me donnant un bon conseil. » Le souriant docteur avait pris la pose ennuyée du marquis de Moncade, écoutant les contes de son intendant. « Si tu tenais tant, dit-il, à une consultation, il fallait demander à ma place notre honorable ami Catnac. Il connaît les affaires, lui, il est avocat. » Ce nom de Catnac irrita tellement M. Mascaro que lui, l'homme calme et contenu par excellence, il arracha son magnifique bonnet grec et le lança violemment contre la tablette de son bureau. « Est-ce sérieusement, Ortebiz, demanda-t-il, que tu me dis cela ? Pourquoi non ? » L'honnête placeur souleva ses lunettes, comme si, avec ses yeux seuls, il eût pu lire plus sûrement jusqu'au fond de la pensée de son interlocuteur. « Parce que, » fit-il en appuyant sur chaque syllabe de chaque mot, « parce que tu es comme moi, docteur, tu te défies de Catnac. Combien y a-t-il de temps que tu ne l'as vu ? Voici plus de 2 mois qu'il n'est venu chez Martin Rigal. Il est de fait que ses façons sont au moins singulières, de la part d'un associé, d'un ancien camarade. M. Mascaro eut un sourire si mauvais que certainement il lui donnait beaucoup à réfléchir au Catnac en question, s'il lui eût été permis de le voir. Ajoute, fit-il, que sa conduite est sans excuse de la part d'un homme dont nous avons fait la fortune, car il est riche, notre ami très riche, quoiqu'il prétende le contraire. « Vraiment, tu crois ? S'il était ici, je lui prouverais qu'il a plus d'un million à lui. » Les yeux de l'aimable docteur Pétière. « 1 million ? » murmura-t-il. « Oui, au moins. C'est que vois-tu, Ortebiz, tandis que toi et moi, follement, sans compter avec nos caprices, nous laissions couler l'or comme du sable, entre nos mains prodigues, notre ami, lui, se privait et amassait. Que veux-tu ? Il n'a pas d'estomac, ce pauvre Catnac, pas de tempérament, pas de passion. Lui ? Il a tous les vices, il est hypocrite. Pendant que nous nous amusions, il prêtait à la petite semaine à 15 ou 20 %. Tiens, combien dépenses-tu par an, docteur ? Par an ? Tu m'embarrasses beaucoup. Enfin, mettons 40 000 francs. Tu dépenses plus, mais peu importe. Calcule ce que cela fait depuis 20 ans que nous sommes associés. Jamais le docteur n'a su faire une addition et il en tire vanité. Cependant, pour complaire à son ami, il essaya. 40 et 40, commença-t-il, comptant sur ses doigts, font 80, puis encore 40. En tout, interrompit M. Mascarot, cela fait 800 000 francs. Mais en autant pour ma part, c'est en tout 1 600 000 francs que nous avons dissipés. C'est énorme. Sans doute. Et tu vois bien que Catnac, qui a eu même part que toi et moi, est riche. C'est pour cela que je le redoute. Nos intérêts ne sont plus les mêmes. Il vient encore ici tous les jours, mais uniquement pour empocher son tiers. Il veut bien partager les bénéfices, mais il ne voudrait plus de risques. Voici 2 ans qu'il ne nous a pas apporté une seule affaire. Quant à compter sur lui, bonsoir. Tu peux lui proposer l'opération la plus belle et la plus sûre. Il te refusera net son concours. Monsieur, maintenant, voit des dangers partout, et ses scrupules ressemblent au cœur d'un goinfre qui a trop dîné. Mais il est incapable de nous trahir. Ce Mascarot ne répondit pas immédiatement. Il réfléchissait. Je crois, répondit-il enfin, que Catnac a peur de nous. Il sait quel lien nous lie. Il sait que la perte de l'un de nous peut entraîner la perte des 2 autres. Voilà notre garantie et notre sûreté. Mais il n'ose pas nous trahir ouvertement. Il est bien capable de faire avorter toutes nos combinaisons. Notre association lui pèse. Sais-tu ce qu'il me disait la dernière fois qu'il est venu? Il me disait « Nous devrions fermer boutique et nous retirer. » Nous retirer? Eh bien, et vivre donc, car enfin, s'il est riche, lui, nous sommes pauvres. Que possèdes-tu, toi, Hortebise? Le docteur, ce savant médecin que son portier croit millionnaire, tira en riant son porte-monnaie de sa poche, compta ce qu'il contenait et répondit en riant « 327 francs. Et toi ?» L'honorable placeur ne prit pas la peine de dissimuler une grimace. « Moi, je suis logé à ton enseigne. » Il soupira profondément et à demi-voix, comme se parlant à soi-même, il ajouta « Et j'ai des obligations sacrées que tu n'as pas, toi. » Cependant, un nuage, le premier depuis le commencement de cet entretien, assombrissait le front du docteur. « Diable, » fit-il d'un ton contrarié, « et moi qui comptais sur toi pour 1 millier d'écus dont j'ai besoin. » L'inquiétude du docteur Hortebise fit sourire M. Mascarot. « Assure-toi, je puis te les donner. Il doit bien y avoir 600 000 francs en caisse. » Le docteur respira. « Mais c'est tout, » poursuivit le placeur. « C'est le fond du sac social. Et cela, après des années de risques, d'efforts, de travaux, de... Et nous n'avons plus 20 ans. » D'un geste résolu, M. Mascarot assura ses bonnes lunettes. « Oui, » reprit-il, « nous vieillissons. Raison de plus pour prendre un grand parti. Ce n'est pas avec le courant que nous assurerons l'avenir. Que donne-t-il, ce courant? Au plus, 4 à 5 000 francs par mois. Nos agents nous ruinent. Que je tombe malade demain, la source est tarie. » « C'est pourtant vrai, » approuva le docteur, frissonnant à cette idée. « Donc, il faut, coûte que coûte, risquer un grand coup. Voici des années que je me dis cela et que je prépare les éléments d'un coup de filet miraculeux. Comprends-tu maintenant pourquoi, au dernier moment, c'est à toi que je m'adresse et non à Catnac? Comprends-tu pourquoi je viens de passer 2 heures à t'expliquer le plan des 2 opérations que j'ai en vue? Oh, qu'une seule réussisse, notre affaire est faite. Oui, la question est de savoir si nous avons assez de chances de succès pour entrer en campagne. Réfléchis et réponds. C'est un observateur très fin que le docteur Hortebise, en dépit de ses apparences frivoles, un esprit délié et fertile en expédients de toute nature, un conseiller d'autant plus sûr dans les circonstances graves que jamais, si imminent que puisse être le péril, son souriant sang-froid ne l'abandonne. M. Mascarot le savait bien, lorsqu'il insistait pour avoir son opinion. Mis au pied du mur, ayant à opter pour ainsi dire entre le contenu du médaillon et la continuation de sa voluptueuse existence, le docteur perdit son air enjoué et parut se recueillir. Renversé sur son fauteuil, les pieds appuyés sur la tablette de la cheminée, il analysait les combinaisons qui lui avaient été proposées avec l'application d'un général étudiant le plan de bataille que lui soumet le ministre dont il dépend. Cette analyse fut favorable à l'entreprise, car B. Mascarot, qui examinait le docteur de toutes les forces de son attention, vit, petit à petit, le sourire refleurir sur ses lèvres vermeilles. Enfin, après un long silence, « Il faut attaquer, » prononça Hortebise. « Ne nous dissimulons rien. Tes projets ont des côtés extrêmement dangereux, et un échec peut nous mener loin. D'un autre côté, si nous attendons une affaire absolument sûre, nous risquons d'attendre longtemps. Ici, nous avons bien 20aine de chances contre nous, mais nous en avons 80 pour nous. Dans de telles conditions et surtout, nécessité n'ayant pas de loi, comme on dit, en avant. » Il se redressa en prononçant ces paroles, et tendant la main à son honorable ami, il ajouta « Je suis ton homme ». Ces décisions parurent ravir B. Mascaro. Il est tel moment où, si fort que l'on puisse être, on doute de soi, on hésite. Et alors, l'approbation d'un ami compétent est un puissant secours. C'est le poids qui entraîne le plateau de la balance trébuchante. Cependant, avec le loyal placeur, de même qu'avec tous les gens à probité scrupuleuse, il n'y a jamais de surprise. « Tu as bien tout pesé, insista-t-il, tout examiné. Tu sais que de mes deux affaires, l'une, celle du marquis de Croisenois, est prête, que toutes les combinaisons sont arrêtées. Oui, oui. Tandis que pour l'autre, celle du duc de Chandos, j'ai encore à rassembler d'indispensables éléments de succès. Qu'il y ait dans la vie du duc et de la duchesse un secret qui nous les livre, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais quel est ce secret? Est-ce celui que je soupçonne? Je le parierai. Mais il nous faut plus que des soupçons, plus que des probabilités. Je veux une certitude absolue. Peu importe, ce que j'ai dit est bien dit. » Le docteur espérait en être quitte, pour le moment du moins. Il se trompait. « Tout étant ainsi convenu, reprit le placeur, je reviens à ma question de tout à l'heure, et j'attends une réponse sérieuse. Que penses-tu de ce garçon qui, en somme, doit être l'instrument indispensable de notre fortune, de Paul Violaine, enfin ?» Monsieur Orteby se leva, fit deux ou trois tours dans le cabinet, et finalement vint se placer en face de son ami, le dos appuyé à la cheminée. C'est sa position favorite lorsque, dans un salon, après s'être bien fait prier, il compte une de ces anecdotes graveleuses qu'on ne fait passer qu'à force d'esprit, d'adresse et de sous-entendu, et qui sont une de ses spécialités. « Je pense, répondit-il, que ce garçon présente beaucoup des qualités requises et qu'il serait difficile de trouver mieux. D'ailleurs, il est enfant naturel et ne connaît pas son père. C'est une porte ouverte aux suppositions. Il n'est pas de bâtard qui n'ait le droit de se croire fils d'un roi. En second lieu, il n'a ni famille, ni parents, ni protecteurs connus, ce qui nous assure que, quoi qu'il advienne, nous n'aurons de compte à rendre à personne. De plus, il est pauvre. S'il n'a pas grand bon sens, il a un certain brillant et il est vaniteux. Enfin, il est prodigieusement joli garçon, ce qui peut aplanir bien les difficultés. Seulement, ah, il y a un seulement. Le docteur, qui sait que l'amitié ne vit que de ménagements et de concessions, dissimula un sourire discret. « Il n'y en a pas un, j'en vois trois, pour le moins. Tout d'abord, cette jeune femme, cette Rose Pigoreau, dont la beauté a si fort émerveillé notre digne tantaine, me paraît un sérieux danger pour l'avenir. » M. Mascaro fit de la main un tout petit geste très significatif. « Sois tranquille, nous en débarrasserons Paul de cette demoiselle. Parfait. » « Mais ne t'y trompe pas !» insista le docteur d'un ton sérieux qui ne lui était pas habituel. « Il s'en faut. Le danger n'est pas celui que tu penses, celui que tu as songé à éviter. Tu es persuadé que ce garçon aime cette fille, et lui-même croit l'aimer. Pour la plus légère satisfaction d'amour-propre, il l'aura oubliée demain. C'est possible. Mais elle, qui s'imagine détester ce beau garçon, se trompe pareillement. Elle est tout simplement lasse de la misère. Donne-lui un mois de repos, de luxe, de fantaisie satisfaite, de bonne chair, et tu la verras rassasiée de ce qu'elle croit être le plaisir, revenir à son pôle. Oui, tu la verras le poursuivre, l'obséder, s'acharner, comme s'acharnent les femmes de cette sorte qui ne redoutent rien, et venir le réclamer jusqu'au pied de Flavie. Qu'elle ne s'en avise jamais, fit le doux placeur d'un ton menaçant. Quoi? Que feras-tu? L'empêcheras-tu de parler? Elle connaît Paul, elle, depuis son enfance. Elle a connu sa mère. Elle a été élevée près de lui, dans la même rue, peut-être. Croisant ma vieille expérience, surveille de ce côté. Il suffit, je prendrai mes mesures. Il suffisait en effet pour M. Mascaro de connaître un danger pour le prévenir. Un bon averti, dit-on, en vaut deux. Quand il est prévenu, lui, il en vaut quatre. Mon second seulement, poursuivit le prévoyant docteur, m'est inspiré par ce protecteur mystérieux dont ce jeune homme t'a parlé. Son père est mort, prétend-il, sa mère le lui a juré, soit. Je consens à le croire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet inconnu qui servait une rente à Madame Violaine? Un sacrifice immédiat, si gros qu'il soit, ne prouve rien. Un dévouement si persévérant me taquine. Tu as raison, docteur. Raison mille fois. Là est le défaut de la cuirasse. Mais je veille, mon ami, mais je cherche. Le docteur commençait à se lasser. Il était aisé de le voir. « Ma troisième objection, poursuivit-il, est peut-être la plus forte. Il va falloir utiliser ce garçon dès demain, sans avoir eu le loisir de le disposer à son rôle, sans l'avoir préparé. S'il allait être honnête, par hasard, si, à tes propositions les plus éblouissantes, il répondait par un non bien ferme et bien catégorique. » À son tour, M. Mascaro se leva. « Cette supposition, déclara-t-il du ton le plus dégagé, n'est pas admissible. Pourquoi ? Parce que, docteur, lorsque Tantaine, après avoir trié ce garçon entre mille, nous l'a amené, il l'avait étudié. Tu ne l'as donc pas étudié lorsque je le faisais poser pour toi ? Il est plus faible et plus volage qu'une femme, vaniteux comme un faiseur de romans qu'il est, dévoré de convoitises et honteux d'être pauvre. Bah, entre mes mains, il prendra telle forme que je voudrais. » Comme la cire sous les doigts du modeleur. Ce qu'il faudra qu'il soit, il le sera. M. Ortebise ne voulait pas discuter. Es-tu sûr que Mademoiselle Flavie ne soit pour rien dans ton choix ? Sur cet article, répondit le placeur, tu me permettras de ne pas m'expliquer. Il s'interrompit, prêtant l'oreille. On a frappé, je crois. Écoute. Le bruit s'étant renouvelé, le docteur s'apprêtait à s'esquiver. M. Mascaro le retint. Reste, dit-il, c'est Beaumarchef. Et au lieu de répondre, il appuya le doigt sur un timbre de vermeil, encore un présent sans doute, qui brillait au milieu de ses paperasses. Le digne placeur ne s'était pas trompé. L'ancien sous-off, il aimait à se qualifier ainsi lui-même, parut presque aussitôt. D'un air moitié respectueux, moitié familier, il salua militairement, la main au front, le coude à la hauteur de l'œil, le docteur d'abord, puis son associé qui l'appelle son patron. « Eh bien, Beaumard, lui demanda gaiement le docteur. « Nous buvons donc toujours des petits verres ?» L'ex-sous-off, fait prodigieux, rougit autant qu'une fillette prise par sa maman le doigt dans le pot de confiture. « Oh, si peu, monsieur le docteur, » répondit-il modestement, « si peu. »« Trop encore, Beaumard, beaucoup trop. Penses-tu que je ne le vois pas ? Mais regarde donc ton teint, malheureux, ton nez, tes paupières enflammées. » « Cependant, monsieur le docteur, je vous assure, si ce n'était que cela encore, mais tu sais ce que je t'ai dit. » Tu es menacé d'un asthme. Quand tu feras non avec ta tête, c'est comme cela. Vois comme tu es soufflé. Examine les mouvements des muscles pectoraux, décelant une obstruction du poumon. C'est que j'ai couru, monsieur le docteur. Mais cette consultation ne pouvait être du goût de monsieur Mascaro. Si Beaumard est hors d'haleine, c'est qu'il a dû jouer des jambes. Il avait à réparer une inexcusable ineptie. Voyons ton expédition, Beaumard. L'ancien sous-officier aimait bien mieux cela que les observations taquines du docteur Ortebise. « Nous la tenons, patron, » répondit-il d'un air triomphant. « Ce n'est pas malheureux. « Qui tenez-vous ? » interrogea le docteur. D'un doigt placé sur sa bouche, M. Mascaro fit à son ami un signe d'intelligence et d'un ton leste qui ne lui est pas habituel. Il répondit « Caroline Schimmer, une ancienne servante de l'hôtel de Chandos, qui a un petit renseignement à me donner. « Continue, Beaumard, comment l'avez-vous rattrapé ?» Grâce à une idée qui m'est venue, patron. Peste, si tu te mets à avoir des idées maintenant. Le sieur Beaumarchef se rengorgea. C'est comme cela, répondit-il. En sortant de la maison avec Toto Chupin, je me suis dit. Notre gaillarde a dû remonter la rue. Mais il est impossible qu'elle soit allée jusqu'au boulevard sans entrer chez un marchand de vin. Bien raisonné, approuva le docteur. En conséquence, Toto et moi nous avons examiné tous les débits devant lesquels nous passions. Bien nous en a pris. Arrivés rue du Petit Carreau, nous avons aperçu notre Caroline chez un marchand de tabac qui vend des liqueurs. Et Toto a pris la piste. C'est-à-dire, patron, qu'il a juré qu'il marcherait dans son ombre jusqu'à ce qu'on lui crie assez. De plus, il nous fera parvenir un rapport tous les jours. M. Mascaro se frottait les mains. « Bonne revanche » prononça-t-il. « Beaumard, je suis content de toi. » Le compliment parut enchanter l'ancien sous-officier. Il s'essuya le front, mais ne se retira pas. « Ce n'est pas tout, patron, » commença-t-il. « Quoi encore ? J'ai rencontré en bas la Candelle, qui revenait de la place du Petit Pont. Vous savez ? Hein ? Qu'a-t-il vu ? Il a vu la jeune personne s'envoler dans un coupé à deux chevaux. Naturellement, il l'a suivie. Elle est maintenant installée rue de Douai, dans un appartement qui est tout ce qu'on peut voir de plus splendide, » a dit le concierge. « Ah, patron, il paraît qu'elle est supérieurement jolie, cette jeune personne. » La Candelle était comme un fou, en parlant. Il prétend qu'elle a des yeux. Oh, mais des yeux ! À faire descendre un homme de l'impérial d'un omnibus. À cette description, le regard du docteur pétilla. C'est donc vrai ? Demanda-t-il. Ce que nous a conté ce vieux roquentin de Tantaine. Mais ce n'est pas l'austère placeur qui s'arrête jamais aux bagatelles. C'est vrai, répondit-il en fronçant le sourcil. Et cela prouve, Hortebise, la justesse de ton objection de tout à l'heure. Oui, c'est un danger qu'une fille si furieusement belle que tout le monde la remarque. Poussé par elle, le jeune idiot qui l'a enlevé pourrait bien devenir très gênant. Monsieur Beaumarchef osa toucher le bras de son patron. Il était en veine. Une idée lui venait encore. S'il ne s'agit que de se débarrasser du petit crevé, ce n'est pas bien difficile. Comment ? Au lieu de répondre, l'ancien sous-officier tomba en garde, fit deux appels du pied et se fendit en criant d'un ton de prévôt de régiment. Une, deux, du lion donc ! Une, deux, dégagez, filez droit ! Et voilà. Une querelle de Prussiens, murmure le placeur. Un duel ! La fille ne nous en resterait pas moins sur les bras. D'ailleurs, les moyens violents me répugnent, ils sont compromettants. Il réfléchit un moment, puis, relevant lentement ses lunettes, il chercha des yeux les yeux du docteur. Quand il les eut rencontrés, « Que n'avons-nous ? » fit-il en donnant à chaque mot une valeur particulière. « Que n'avons-nous à nos ordres une bonne épidémie ? Suppose, docteur, cette belle fille atteinte de la petite vérole. La voilà défigurée. » Ce fut au tour du docteur de se recueillir. « En l'état de la science, » répondit-il enfin, on peut donner un coup d'épaule à l'épidémie, mais après. Rose défigurée n'en sera que plus acharnée, après Paul. La ténacité d'une femme croît en raison de sa laideur. Ceci est à examiner, dit M. Mascaro. En attendant, il doit y avoir quelques mesures à prendre pour écarter tout danger immédiat. Voyons, Beaumard. Je t'ai dit ces jours-ci de préparer le dossier de ce Gandelu. Quelle est sa situation ? Il est criblé de dettes, patron. Mais ses créanciers le ménagent à cause d'un héritage prochain. Clichy, d'ailleurs, n'existe plus. L'honorable placeur haussa les épaules. « Tu n'es qu'un sot, Beaumard, » interrompit-il. « Un gaillard de la trempe de ce Gaudelu, endetté et amoureux d'une fille comme Rose, donnera tête baissée dans tous les traquenards. Il est impossible que parmi ses créanciers, il n'y ait pas deux ou trois de nos gens prêts à agir selon mes volontés. Et tu dis cela ? Tu me rendras réponse ce soir. Et sur ce, laisse-nous. » Une fois seuls, les deux amis restèrent assez longtemps enfoncés dans leurs réflexions. L'instant était décisif. Ils étaient maîtres encore de leur résolution, mais ils savaient qu'une première démarche les engagerait irrémissiblement. Or, ils étaient assez forts, l'un et l'autre, pour regarder bien en face et pour mesurer le péril. L'éternel sourire du docteur Hortebise pâlissait, et c'est d'une main fiévreuse qu'il tracassait son médaillon. M. Mascaro, le premier, domina la torpeur qui l'envahissait. « Assez de réflexion. Fermons les yeux et marchons. Tu as entendu les promesses du marquis de Croisenois. Il se donne à notre œuvre, mais non sans condition. Pour lui comme pour nous, il faut qu'il soit le mari de mademoiselle de Mussidan. C'est un mariage qui n'est pas fait, mais qui se fera puisque nous le voulons. Et la preuve, c'est qu'avant 2 heures, les projets de mariage qui existent entre mademoiselle Sabine et le baron de Breuil-Faverley seront rompus. Nous tenons le comte et la comtesse de Mussidan, n'est-ce pas ? Le docteur, tant bien que mal, étouffa un gros soupir. « Vrai, » murmura-t-il, « je comprends les scrupules de Catnac. Ah, si comme lui, j'avais 1 million. » Pendant ces dernières phrases, B. Mascaro, allant et venant de son cabinet à sa chambre à coucher, remplaçait par sa tenue de ville son costume d'intérieur. Quand il eut terminé, « Es-tu prêt ? » demanda-t-il au docteur. « Il le faut bien. Partons alors. » Et entrebâillant la porte de son cabinet, B. Mascaro cria, « Beaumard, une voiture !»